السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا على ما من به علينا من هذا الاجتماع في مجلس من مجالس العلم نتذاكر فيه كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لتبليغ هذا الدين ونشره بين الناس، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يوفقنا للصواب، وأن يكون ذلك في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Nous louons notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala d'une pleine louange pour ses bienfaits innombrables qu'il nous a accordés. Parmi cela, le fait de se réunir pour étudier et méditer sur son noble livre Subhanahu wa Ta'ala et sur les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'y a aucun doute que cela est un bienfait immense à travers lequel Allah Subhanahu wa Ta'ala fait part de sa grâce à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, et Allah élèvera ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui la science fut donnée de plusieurs degrés. Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, certes Allah élève par ce livre certaines personnes et il en rabaisse par celui-ci d'autres. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous compter parmi ses serviteurs qu'il élèvera par son noble livre. Cela de par le fait qu'ils le méditent, cherchent à œuvrer avec celui-ci à chaque instant de leur vie, et qu'ils le prennent comme guide. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala est capable de cela, et il est l'audient, l'omniscient. Cela étant dit, le sujet de notre conférence est, comme cité dans l'annonce, la place importante de la sunna, ou bien l'obligation du suivi de la sunna. Cette conférence traitera donc de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son importance dans la vie du musulman. Nous allons donc, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, traiter ce sujet en plusieurs points. Quant au premier point, il sera l'explication et la définition donnée par les gens de science quant au mot « sunna ». Quant au deuxième point, il sera la citation de textes tirés du Coran et de la sunna venant montrer l'obligation du suivi de la sunna, du suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quant au troisième point, il sera la citation de textes venant montrer certains mérites et profits découlant du suivi de la sunna. Et quant au quatrième et dernier point, il sera la citation de certains textes venant mettre en garde contre le délaissement de la sunna et montrant les méfaits qui découlent de cela. Nous allons donc commencer, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, par le premier point, qui est ce qui est voulu par le mot « sunna ». Le noble savant, le shaykh Salih ibn Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit dans son explication du livre intitulé « Sharh al-Sunna », l'explication de la sunna, du noble savant al-Imam al-Barbahari, rahimahullah. Il nous dit, ce qui est voulu par la sunna est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui de ses compagnons et des prédécesseurs. Que cela soit dans la croyance, les adorations, la compréhension de la religion et les comportements. Intaha kalamuhu rahimahullah. Cela étant dit, il faut savoir à ce sujet qu'auprès des gens de science, le mot sunna peut prendre plusieurs sens. Premièrement, les ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce qui va être imputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation ou caractéristique. Cela, comme lorsqu'ils vont dire, par exemple, cela est venu dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire ce qui a été imputé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation ou caractéristique. Deuxièmement, il peut être voulu par le mot sunnah, ce qui est appelé mustahab. Mustahab, c'est-à-dire préférable. Tout acte dont l'auteur méritera une récompense et dont celui qui le délaisse n'aura commis aucun péché. Cela comme lorsqu'ils vont dire « Hada wajibun wa hadihi sunnah ». Ceci est obligatoire et ceci est une sunnah. Troisièmement, il peut être voulu par le mot sunnah ce qui s'oppose à la bid'a, à l'innovation, comme sujet touchant à la croyance. Cela comme cité dans plusieurs épîtres et livres de grands savants de l'islam, qui ont pour nom As-Sunnah, comme, à titre d'exemple, les fondements de la Sunnah, ou sous le Sunnah de l'imam Ahmed, ou bien l'explication de la Sunnah, Sharh As-Sunnah de l'imam Al-Barbahari, et autres, qui ont comme nom le nom Sunnah. Quatrièmement, il peut être voulu par le mot sunnah, la religion tout entière. Cela comme dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya radiallahu anhu qui a dit « Accrochez-vous donc à ma sunnah et celle de mes califes bien guidés. » Accrochez-vous donc à ma sunnah et celle de mes califes bien guidés. Hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Ahmed, Abu Daoud et autres et rendu authentique par l'imam al-Albani rahimahumullah. Donc, parmi les sens que peut prendre le mot « sunnah », il est qu'il englobe toute la religion avec laquelle est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de continuer, nous avons un point qu'il est important de citer. Ce point est que les gens de science citent que le lieu de division et de distinction entre les véritables adeptes de la sunnah et les adeptes de l'innovation se trouve dans l'attachement à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela, tout comme la différence qui se trouve entre les partisans du tawhid, du monothéisme pur, et celle des adeptes de l'association, se trouve dans le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Car certains adeptes de l'innovation vont prendre le Coran, vont prendre du Coran et de la sunna. Tout comme les adeptes du shirk vont attester de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. La distinction alors entre les véritables adeptes de la Sunna et les gens de l'innovation se fera lorsque le suivi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera cité. Tout comme la distinction entre les adeptes du Tawhid et ceux de l'association se fera lorsque l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sera citée dans son adoration. Et parmi ceux qui viennent appuyer ces propos, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset. Et les premiers croyants, parmi les émigrés et les ansars, et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières, Allah les a agréés et ils l'ont agréé. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux où ils demeureront éternellement. Surat al-Tawbah, verset numéro 100. Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cité dans le hadith précédent, qui a cité sallallahu alayhi wa sallam des divergences qui auront lieu dans sa communauté, puis qui a cité après cela sallallahu alayhi wa sallam le remède à ses troubles en disant « Accrochez-vous donc à ma sunna et celle de mes califes bien guidés. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ici sa sunna et celle des califes bien guidés qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En premier lieu, Abu Bakr wa Omar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum. Et c'est pour cela que l'imam Ahmed rahimahullah, qui est surnommé imam des gens de la sunna, a cité dans son épître intitulé les fondements de la sunna sa parole en disant: et la sunna auprès de nous est de s'accrocher à ce sur quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de les prendre pour exemple et de délaisser toute innovation. Et de même que l'imam al-Barbahari, rahimahullah, qui était aussi un des imams des gens de la Sunna à son époque, qui est mort en l'an 329 de l'Hégire, nous dit dans son épître l'explication de la Sunna. Sachez que l'islam est la Sunna et que la Sunna est l'islam. L'un ne peut tenir sans l'autre. Puis il nous dit, et la base sur laquelle est construit le groupe, al-Jama'a, sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Ils sont eux les adeptes de la Sunna et du groupe. Et quiconque ne prend pas d'eux se sera égaré et aura innové. Et toute innovation est un égarement, et l'égarement ainsi que ses adeptes sont au feu. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, la Sunna est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui de ses compagnons. Cela dans la croyance, les adorations, la jurisprudence, ainsi que les comportements. Cela étant dit, nous passons à notre deuxième point, avec la citation de certains, parmi les nombreux textes, venant montrer l'obligation du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces textes, nous avons premièrement la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux parmi vous qui détiennent le commandement. » Sourate An-Nisa, verset numéro 59. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi d'après l'essence du verset, « Quiconque obéit aux messagers aura obéi. Quiconque obéit aux messagers aura certes obéi à Allah. » Sourate An-Nisa, verset numéro 80. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, nous dit en commentaire de ce verset. C'est-à-dire que toute personne qui obéit au messager sallallahu alayhi wa sallam aura certes obéi à Allah. Cela car il n'ordonne sallallahu alayhi wa sallam ou n'interdit que par l'ordre d'Allah, sa législation, sa révélation et ce qu'il a fait descendre. Et dans cela, il y a une preuve de l'immunité du messager quant à la transmission de la religion, car Allah a ordonné de lui obéir de manière absolue. Et s'il n'aurait pas été immunisé et préservé de l'erreur dans tout ce qu'il transmet de la part d'Allah, alors il n'aurait pas ordonné de lui obéir de manière absolue. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi d'après l'essence du verset, à propos de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais c'est une révélation qui lui a été révélée. Mais c'est une révélation qui lui a été révélée. Sourate An-Najm, verset numéro 4. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit en commentaire de ce verset, la parole d'Allah, c'est une révélation qui lui a été révélée, c'est-à-dire qu'il ne suit sallallahu alayhi wa sallam que ce qui lui a été révélé comme guidé et piété, dans sa personne et pour autrui. Puis il nous dit, et dans cela, il y a une preuve que la sunna est une révélation provenant d'Allah pour son messager. Comme Allah nous dit à un autre passage du Coran, et Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse, c'est-à-dire la sunna. Et cela indique qu'il est immunisé sallallahu alayhi wa sallam et préservé de l'erreur dans ce qu'il informe au sujet d'Allah. Car ses propos ne découlent pas de la passion, mais ils viennent de ce qui lui a été révélé. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi d'après l'essence du verset, nous avons certes fait descendre sur toi le rappel, c'est-à-dire la sunna, pour que tu expliques aux gens ce qui a été descendu vers eux, c'est-à-dire le Coran. Sourate les abeilles, verset numéro 44. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi d'après l'essence du verset, et tout ce que le messager vous donne, prenez-le. Et tout ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Et craignez Allah, certes Allah est dur en châtiment. Sourate Al-Hashr, verset numéro 7. Le grand savant, exégète du Coran, Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit en commentaire de ce verset. C'est-à-dire, quelle que soit la chose qu'il vous ordonne de faire, alors faites-le. Et quelle que soit la chose qu'il vous interdit, écartez-vous-en. Car certes, il ordonne le bien et interdit le mal, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exégète, l'imam al-Sa'di, rahimahullah, nous dit aussi en commentaire de ce verset, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et tout ce que vous donne le messager, prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, alors délaissez-le. Et il nous dit, rahimahullah, Cela englobe les fondements de la religion ainsi que ses branches, ce qui est partie apparente de la religion ainsi que ce qui est intérieur. Et que tout ce avec quoi est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il est obligatoire à toute personne de le prendre et de le suivre. Et il lui est interdit de le contredire. Et que les textes provenant du messager, quant à un jugement religieux, sont comme ceux provenant d'Allah. Et qu'il n'y a ni autorisation, ni excuse pour quiconque dans le délaissement de cela. Et qu'il est interdit de faire prévaloir la parole de quiconque à celle du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, comme dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed et autres, « Certes, il m'a été donné le Coran, et pareil que lui avec, c'est-à-dire la sunna. » Donc la sunna est tout comme le Coran, une révélation provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le noble savant, le shaykh Salih ibn Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit, après la citation de ce hadith et d'autres versets parmi ceux cités précédemment, dans cela, il y a la preuve quant au fait que la sunna est une preuve, un argument, qu'il est obligatoire de prendre comme l'on prend les preuves et les arguments du Coran. Et elle vient, la sunna, en deuxième position après le Coran. Cela car Allah a donné la charge à son prophète d'expliquer et de détailler le Coran. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, « Et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu expliques aux gens ce qui fut descendu sur eux. » La sunna donc explique, détaille et éclaircit l'essence du Coran. Et elle indique à celui-ci, « Il est donc obligatoire de prendre la sunna comme argument accompagné du Coran. » Puis il nous dit, « Hafidhahullah, et nous avons un exemple pour cela, la prière. Car certes, Allah a ordonné de l'accomplir, de la préserver et d'être constant dans celle-ci. Tout comme il a mis en garde et menacé ceux qui la négligent et suivent leurs désirs. Mais nous n'avons pas dans le Coran le détail du nombre d'unités de chaque prière, ainsi que ce que le prieur doit dire dans sa prière, ou lors de la station debout, ou bien lors de la genuflexion, ainsi que les détails de la prière. Tout cela n'est pas dans le Coran, mais seulement dans la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Priez de la manière dont vous m'avez vu prier. » Puis il nous dit « Et cela est pareil pour la zakat, le jeûne, le pèlerinage, ainsi que le reste des adorations. Les détails de la manière de les accomplir proviennent de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. » Puis il nous dit un peu plus loin « Cela est donc la voie des partisans de la sunna et du groupe, de prendre le Coran ainsi que la sunna comme argument et preuve. Ils mettent le Coran en premier degré, puis la sunna, puis le consensus, puis l'analogie correcte, puis le reste des fondements que l'on peut trouver dans les livres de fondements. Et il y a cependant certains groupes égarés qui ne prennent pas la sunna comme argument et comme preuve, comme la secte des Khawarij et tous ceux qui empruntent leur chemin, tous ceux qui rejettent la sunna et prétendent se contenter du Coran, comme ceux qui s'appellent Al-Qur'aniyya à cette époque. C'est-à-dire qu'ils prétendent se reposer seulement sur le Coran en délaissant la Sunna. Puis il nous dit, hafidhahullah, et ils ont menti dans cela. Ils ne se basent pas et ne se reposent pas sur le Coran. Car le Coran a ordonné de suivre la Sunna. Allah dit, d'après l'essence du verset, et tout ce que le messager vous donne, prenez-le. Et tout ce qu'il vous interdit, délaissez-le. Ils n'ont donc pas pris ce qui se trouve dans le Coran. Allah a dit, à propos de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il leur enseigne le livre et la sagesse. Le livre, c'est-à-dire le Coran, et la sagesse, c'est-à-dire la sunna. Ou bien, le sens est que la sunna fait partie de la sagesse, et que la sunna prophétique fait partie de la sagesse. Puis il nous dit, et Allah le Très-Haut a dit, quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. Sourate An-Nisa, verset numéro 80. Et il a dit, Subhanahu wa ta'ala, et nous n'avons envoyé aucun messager si ce n'est pour qu'il soit obéi par l'ordre d'Allah. Surat An-Nisa, verset 64. Et il a aussi dit, Subhanahu wa ta'ala, et obéissez à Allah et obéissez au messager. Surat Al-Ma'ida, verset numéro 92. Et il a aussi dit, Subhanahu wa ta'ala, et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Surat An-Nur, verset numéro 56. Et les versets dans ce sens sont nombreux. Puis il nous dit, Hafidhahullah, et cela est de même pour ceux qui vont diviser la sunna, comme la secte des Mu'tazila et ceux qui empruntent leur chemin. Ils ne prennent pas comme argument certaines sunnan authentiques. Et ils disent, nous ne prenons de la sunna comme argument dans la croyance que ce qui est rapporté de celle-ci de manière notoire, c'est-à-dire en grand nombre. Et si celle-ci est rapportée de manière singulière, alors ils ne la prennent pas pour argument dans la croyance selon leur prétention. Donc, cette deuxième catégorie de gens va être celle qui vont délaisser une partie de la sunna en prétendant que la sunna, pour être acceptée dans ce qui touche à la croyance, doit être rapportée de manière notoire, c'est-à-dire en grand nombre. Puis l'auteur, Hafidhahullah, nous dit, ils se basent pour cela sur des règles qui reposent sur leur seule raison et qu'ils ont eux-mêmes fondées. Et donc, si un hadith authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam va à l'encontre de ces règles et fondements qu'ils ont fondés de leur propre raison, alors ils rejettent ce hadith, soit en lui donnant une fausse interprétation, ou bien en le démentant, ou bien par l'accusation de ceux qui ont rapporté ce hadith. Ceux-là font donc aussi partie de ceux qui ont rejeté la sunna. Même s'ils ne l'ont pas rejetée entièrement, ils ont rejeté une grande partie d'elle. Et il n'y a aucun doute que cela est une voie fausse, égarée et déviante. Car ils ont annulé la sunna ou une partie de la sunna. Et si la sunna est annulée, alors s'effondre une grande partie de la législation. Et quel est donc le sens de l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam? De plus, cela va à l'encontre de la voix des gens de la vérité qui prennent pour argument tout ce qui est venu de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela soit notoire ou singulier, que cela touche à la croyance ou autre, en œuvrant avec cela par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « Et tout ce que vous donne le messager, prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, alors délaissez-le. » Et sa parole subhanahu wa ta'ala « Quiconque obéit au messager aura obéi à Allah. » Et sa parole, et si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidé, ainsi que l'autre preuve dans ce sens. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, ces deux catégories de gens vont faire partie de ceux qui ont rejeté la sunna, que ce soit de manière entière ou de manière partielle. Ceux qui vont se dire Qur'aniya et prétendre ne revenir qu'au Qur'an, et ceux qui vont prétendre n'accepter de la sunna dans ce qui touche à la croyance que ce qui est rapporté de manière notoire. Donc ces deux catégories n'auront pas œuvré avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit d'après le sens du verset « Et tout ce que vous donne le messager, alors prenez-le, et tout ce qu'il vous interdit, alors délaissez-le. » Nous passons après cela au troisième point, qui est la citation de certains parmi les nombreux profits découlant du suivi de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parmi cela, premièrement, le fait que le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit une des causes permettant d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, dit « Si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Surat Ali Imran, verset numéro 31. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah a dit, en explication de ce verset, « Allah a donc fait que le suivi de son messager soit une cause menant à son amour. Et le fait qu'Allah aime son serviteur est plus haut que le fait que lui aime Allah. » Puis il dit, Plus d'un parmi les salafs ont dit, au sujet de ce verset, certaines personnes ont prétendu aimer Allah. Allah a donc révélé ce verset. Dit, si vous aimez véritablement Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'être une des causes menant à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, est la balance avec laquelle on distingue entre celui qui aime véritablement Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui prétend cela. De plus, nous avons parmi les profits et mérites découlant du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que cela soit une des causes menant à l'obtention de la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit d'après l'essence du verset. Et si vous lui obéissez, c'est-à-dire au messager, alors vous serez bien guidé. Surat An-Nur, verset numéro 54. Et si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidé. Surat An-Nur, verset numéro 54. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, nous dit en commentaire de ce verset. Si vous lui obéissez, vous serez bien guidé, c'est-à-dire vers le droit chemin, dans les paroles et les actes. Et vous n'avez aucune voie menant à la guider, si ce n'est à travers son obéissance, sallallahu alayhi wa sallam. Et en dehors de cela, vous ne pourrez pas, et cela est même impossible. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nous avons par la suite, parmi ses profits, le fait que l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam, soit une des causes menant à l'obtention de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit d'après l'essence du verset, « Et obéissez à Allah et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. » Et obéissez à Allah et obéissez au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah nous dit en commentaire de ce verset, « Et obéissez à Allah et obéissez au messager, c'est-à-dire en accomplissant les ordres et en délaissant les interdits. » Afin qu'il vous soit fait miséricorde, il nous dit, rahimahullah, donc, dans l'obéissance à Allah et à son messager, donc, l'obéissance à Allah et à son messager est une des causes menant à l'obtention de la miséricorde. Puis, nous avons parmi ses profits le fait que cela soit une des causes permettant de sortir des troubles et de la divergence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith rapporté par Al-Arbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le mal et les troubles. Et il a ensuite, sallallahu alayhi wa sallam, cité le remède à cela. Par sa parole, accrochez-vous donc à ma sunna et celle des califes bien guidés. Mordez-y à pleines dents et prenez garde aux choses inventées en religion. Donc, l'accrochement ferme à la sunna est une des causes permettant d'être préservé des divergences et des troubles. Nous avons parmi ses profits le fait que cela permette aux serviteurs d'être réunis avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de faveur parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Allah nous dit d'après le sens du verset, « Et quiconque obéit à Allah et aux messagers, certes, ceux-là sont avec ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. » Et quelle bonne compagnie que la leur. Surat An-Nisa, verset numéro 69. De plus, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, a dit, comme cité dans son résumé de son épître, Zadul Ma'ad, les provisions de l'au-delà, qui a été fait par le noble cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il nous dit, après avoir cité en sous-chapitre, le fait qu'Allah s'est réservé toute la bonté. Il nous dit, rahimahullah, quant au sens de sa parole, le fait qu'Allah s'est réservé toute la bonté. Il nous dit, le sens de cela est qu'Allah a choisi de toutes choses les plus bonnes et qu'il se les ait réservées. Car certes, Allah est le bon, at-tayyib, qui n'aime que le bon. Et qui n'accepte comme parole, acte et aumône que ce qui est bon. Puis il nous dit, rahimahullah, et Allah a mis le bon dans sa globalité au paradis, comme il a mis le mauvais dans sa globalité au feu. Nous avons donc une demeure réservée au bon, qui est le paradis, et une demeure réservée au mauvais, qui est l'enfer. Et une autre demeure dans laquelle est réuni et se mélange le bon et le mauvais, qui est ce bas monde. Puis, lorsque le jour dernier arrivera, Allah distinguera entre le mauvais et le bon, c'est-à-dire par le paradis et l'enfer. L'affaire revient donc à ces deux seules demeures, celle du bon et celle du mauvais, le paradis et l'enfer. Puis il nous dit, et de cela, nous comprenons l'immense besoin des serviteurs, qui est un besoin qui dépasse tout besoin, quant au fait de connaître le messager et de savoir ce avec quoi il est venu. Car certes, il n'y a aucun moyen menant au succès, si ce n'est à travers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il n'y a aucun moyen permettant de distinguer le bon du mauvais en détail, si ce n'est à travers lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel que soit le besoin ou la nécessité du serviteur envers quelque chose, alors son besoin et sa nécessité qu'il a à connaître le messager dépasse cela de loin. Puis il finit en disant, et donc, étant donné que le bonheur est suspendu et lié à la guidée avec laquelle il est venu, sallallahu alayhi wa sallam, il est donc obligatoire à toute personne voulant la réussite de son âme de connaître de sa guidée, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa biographie, ainsi que tous ses états, ce qui le fera sortir du nombre des ignorants. Intaha kalamuhu rahimahullah. Donc voici un des mérites et un des points poussant le serviteur à suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait que cela lui permettra de distinguer entre le bon et le mauvais, et d'œuvrer avec ce qui est bon, une chose qui lui permettra d'entrer dans la demeure de la bonté, qui est le paradis. Et pour finir, nous passons au quatrième et dernier point, qui sera la citation de certains textes venant mettre en garde le musulman quant au fait de délaisser le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parmi cela, premièrement, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit, d'après l'essence du verset, que prennent garde ceux qui se détournent de son ordre, c'est-à-dire du messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ne soient touchés par une tentation ou un châtiment douloureux. Que prennent garde ceux qui se détournent de son ordre, qu'ils ne soient touchés par une tentation ou un châtiment douloureux. Surat An-Nur, verset numéro 63. Al-Imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit en commentaire de ce verset. C'est-à-dire que toute personne qui contredit la législation du messager, de manière apparente ou cachée, craigne d'être touchée par une tentation, c'est-à-dire dans son cœur, comme de la mécréance, ou de l'hypocrisie, ou de l'innovation. Ou qu'il soit touché par un châtiment douloureux, c'est-à-dire dans ce bas monde, comme le fait d'être tué, de subir une sentence, ou un emprisonnement, ou autre. Intaha kalamuhu rahimahullah. Et parmi cela, nous avons le fait que le délaissement de l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam mène à l'égarement. Allah nous dit d'après le sens du verset. Et il n'appartient à aucun croyant ou aucune croyante lorsqu'Allah et son messager ont jugé pour une affaire d'avoir après cela le choix. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est certainement égaré d'un égarement évident. Surat Al-Coalisé, verset numéro 36. Donc, celui qui aura désobéi à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam se sera égaré d'un égarement évident. Cela car il aura délaissé le droit chemin menant à la faveur et à la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour emprunter d'autres chemins menant à un châtiment douloureux. Et donc, nous concluons par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala cette assise en lui demandant subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous accorder la science utile permettant de connaître la voie de son messager sallallahu alayhi wa sallam et de nous permettre d'œuvrer avec cela jusqu'à sa rencontre subhanahu wa ta'ala. Tout comme nous lui demandons de nous réunir avec les prophètes, les véridiques, les martyrs ainsi que les pieux et quelle bonne compagnie que la leur. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.